Chapitre 13. L'homme était assis au volant de son break à Juva 4, à quelques mètres de la devanture de l'épicier. Derrière la porte vitrée de son bec de canne, on avait suspendu une pancarte. « Inutile de faire la queue, nous n'avons plus rien à vendre. Attendons ravitaillement. » Malgré ce, une femme crédule et patiente, un foulard sur la tête, était assise sur la marge d'entrée, espérant on ne savait quoi. L'homme au volant alluma une nouvelle gauloise, car lui, il en avait des cigarettes. Pinot, planqué sous une porte cochère, ne le quittait pas des yeux. Voilà plusieurs semaines qu'il le surveillait, attendant le moment favorable. La rue était pratiquement déserte, un chat cavala le long des murs, un vélo taxi couina tristement dans le soir tombant. « Mais qu'est-ce qu'il fout, ce putain de bahut ?» se demanda l'homme. Dans son rétroviseur, il aperçut enfin le camion qui vint se ranger devant l'épicerie. « Enfin !» dit-il en jetant sa cigarette par la fenêtre. Aussitôt, l'épicier sortit de l'entrée de l'immeuble voisin. Le chauffeur abattit l'arrière du véhicule et commença à décharger. La femme de l'épicier, Madame Lacaze, que le lecteur connaît déjà, toute pimpante dans son petit tablier blanc, sortit à son tour et donna la main. Déjà, comme surgit du sol, une queue de quatre personnes s'était formée. L'homme se plaça dans cette file et prit sa suite. L'épicier commença à servir ses clients pendant que son épouse procédait au rangement. Pour des raisons de discrétion et de sécurité, il ne laissait entrer que deux clients à la fois dans son magasin. Lorsque l'homme entra dans la boutique pour prendre son tour, Pinot lui emboîta le pas mais resta en retrait par rapport au comptoir. « Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ?»« Du lait. » L'homme tendit son carnet de tickets, mais il se rapprocha de l'épicier pour pouvoir lui parler plus discrètement. « Si vous pouviez me donner un litre de plus, ce serait gentil de votre part. J'ai deux gosses malades à la maison et ma femme ne va pas fort. Alors, vous comprenez ?»« Mais vous n'y avez pas droit, sans ticket, pas de lait. Vous n'avez pas d'enfant, certainement. Vous ne savez pas ce que c'est que de les sentir partir petit à petit, » se lamenta l'homme d'une voix chevrotante. « J'ai de quoi payer, si c'est ce que vous voulez. » L'épicier, le crayon sur l'oreille, vira vissé sur la tête, jeta un coup d'œil à son autre client, par-dessus l'épaule de l'homme. Par discrétion, Pinot se tourna vers la rue. « Alors, s'il vous plaît, monsieur l'épicier, » le pria encore l'homme. L'épicier se pencha sous le comptoir et en sortit deux bouteilles qu'il posa devant le client. « Voilà, ce sera tout. » L'homme repassa son carnet, dans lequel il avait discrètement glissé un billet de 50 francs. « Je pourrais avoir un peu de jambon cru. J'ai ce qu'il faut, non ?» chuchota l'homme. L'épicier jeta un coup d'œil à l'intérieur du carnet et hocha la tête. « Je reviens, » dit-il. Il reparut de l'arrière-boutique avec un petit paquet qu'il posa devant l'homme. « Voilà, ça vous fait 6,80 francs. » L'homme paya en sortant son porte-monnaie, mais resta planté devant le comptoir. Pendant ce temps, Madame Lacaze entrait dans la boutique pour servir Pinot. « Vous faites entrer la cliente suivante, s'il vous plaît ?» demanda l'épicier pour congédier l'homme. Ce dernier sortit cette fois son portefeuille et exhiba une carte professionnelle sous les yeux de l'épicier. « Je crois qu'il n'y aura pas d'autres clients ce soir. Contrôle économique. Vous pouvez fermer la boutique. Vous venez de commettre déjà deux infractions. Vente sans ticket et pratique de marché noir. La fête ne fait que commencer, monsieur Lacaze. Nous allons nous occuper du reste. » Lacaze était devenu blême, autant d'angoisse que de colère. « Ah ben voilà, vous êtes gonflé. C'est vous qui êtes venu me trouver avec vos simagrées. C'est des méthodes, ça ?» « La question n'est pas là. Fermez la boutique. » Furibarde, Madame Lacaze sortit de derrière son comptoir et poussa Pinot dehors. Sur la marge du seuil, cambrée de colère, elle harangua la file d'attente. « Allez, on ferme, mesdames. Monsieur le contrôleur l'a décidé. On se décarcasse pour vous trouver de quoi manger et des malfaisants viennent nous chercher des crosses pour nous remercier. Nous avons été dénoncés. Si la rapporteuse est parmi vous, elle peut aller s'approvisionner ailleurs, et vous avec. Vous pouvez la remercier, cette crevure. » La file d'attente se mit à gronder. « Ah non, si ça continue, je vais passer ma vie sur le trottoir, moi comme les putains !» dit l'une des femmes. « On a qu'à essayer chez Portal, il a dû être livré lui aussi, » répondit une autre. « Ah non, moi j'en ai ma claque, tant pis, je rentre !» conclut une troisième. Madame Lacaze tira bruyamment le rideau pour cacher le drame boutiquier qui allait se jouer. L'agent du contrôle économique allait peser, faire l'inventaire de la caverne d'Ali Baba qui se cachait dans l'arrière-boutique et surtout dans la cave. « Quel fumier !» pensa l'épicière. « Nous pousser la faute en jouant sur notre bon cœur, il faut vraiment être pourri jusqu'à l'os. » La nuit était maintenant tombée. Pinot reprit sa faction, attendant que le contrôleur eût fini sa sale besogne. Ce dernier reparut au bout d'une heure, les bras chargés. Il entreposa ses paquets à l'arrière de la Juva 4 et les déplaça juste devant le magasin. Là, il continua son chargement. Nul doute qu'il venait de saisir toutes les denrées qui n'entraient pas dans la liste des produits taxés. « Présentez-vous demain au commissariat, » dit-il à la case. « Vous voyez, je suis bon prince, j'aurais pu vous faire arrêter sur le champ. » Là-dessus, il démarra. Pinot enfourcha sa bécane et le suivit le plus discrètement du monde. Il n'eut pas trop à forcer sur les pédales. Le contrôleur, soucieux de sa précieuse saisie, roulait à faible vitesse. Arrivé boulevard Richard Lenoir, l'homme fit pénétrer sa Juva 4 dans la cour intérieure d'un immeuble. L'obscurité régnant, Pinot n'eut aucun mal à passer inaperçu. Il vit l'homme décharger sa camionnette avec précaution, prenant garde de ne pas faire trop de bruit, portant les cartons et paquets à l'intérieur. Pinot se rapprocha, il n'y avait aucun doute. Il était au domicile de l'agent du contrôle et non à un dépôt de marchandises saisi. Son intuition se vérifiait et il n'avait pas perdu son temps. Quand le contrôleur referma enfin sa voiture, Pinot s'introduisit sans bruit dans le couloir non éclairé, comme le voulait la défense passive. Il remarqua un rayon de lumière sous une porte. Était-ce le domicile du contrôleur? Une seule solution pour le savoir. Il tourna le loquet doucement et poussa légèrement la porte qui n'était pas fermée. Elle débouchait dans un couloir. Sur la gauche, une pièce donnait de la lumière. Pinot s'avança sur la pointe des pieds et jeta un œil dans la place. Le long des murs, sur trois côtés, elle était encombrée de boîtes, de cartons empilés et de bouteilles. Le contrôleur était attablé, de dos, et avait commencé d'ouvrir une boîte odorante qui devait être un cassoulet. Pinot eut une soudaine inspiration. Il n'avait pas prévu d'agir de cette façon, mais l'occasion était trop belle. D'un bond, il fut sur l'homme, d'une main, il le bâillonna, de l'autre, il pointa un automatique sur la tempe de l'agent, toujours bâillonné. « Tu voulais manger, mon petit père ? Eh bien, tu vas manger. Ne crie pas, n'alerte pas la galerie, et tu t'en porteras bien. T'as bien compris ? » demanda-t-il, en enfonçant le canon de l'arme dans la tempe du contrôleur. Ce dernier opina du chef. « Ouh, ouh ! » fit-il. Pinot desserra alors son étreinte et lia les bras de l'agent derrière le dossier de la chaise. Il plongea une cuillère dans la boîte et la porta à la bouche du contrôleur. « Allez, mon grand, une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. » Pinot prenait bien soin d'attendre que l'homme avalât chaque bouchée, mais pour que le rythme ne se ralentît pas, il donnait des coups de cuillère sur les dents de l'homme pour hâter la déglutition. « Allez, pépère, ne mollissons pas. Tu dois avoir soif. Tiens, je vois un petit cahor qui ira bien sur les faillots. Allez, bois un coup. Allez, encore un autre. Maintenant, un petit peu de crème de marron. C'est bon, les marrons. » Et Pinot recommença son manège avec la cuillère. « J'en veux plus, » larmoya l'homme. « Mais si, alors bois un coup, il en reste un peu dans la bouteille, ne te fais pas prier. » Et comme encouragement, il lui asséna un coup sec de cuillère sur le crâne. L'homme ne but pas tout, et l'excédent dégoulina sur sa chemise. La boîte d'un kilo de crème fut finalement avalée. « Qu'est-ce que tu dirais d'un petit cognac pour faire descendre ?»« Tiens, je vois que t'as de la fine. »« Non, non !» commença à se plaindre l'homme. « Ta gueule ! Sinon c'est ton dernier repas, compris ?» Pinot enleva le goulot entre les lèvres du contrôleur, lui tirant la tête en arrière par les cheveux. L'homme n'avala qu'une partie du liquide. L'autre partie se répandit sur lui. Il commençait à avoir une respiration saccadée et ses yeux s'injectaient de sang. « Assez !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez ? Prenez tout et partez, je ne dirai rien. » « Que non, pépère, je veux ton bonheur, moi. Les autres meurent de faim et toi, qui as tout sous la main, tu refuses de t'empiffrer. C'est pas logique. Allez, tu vas maintenant te taper les tripes à la mode de Caen. » Et le régime continua pendant un moment. Pinot alternant plat gras froid avec alcool fort. Le contrôleur perdait conscience et les reflux commençaient. Il n'avait plus la force de se plaindre ou de se débattre. Malgré ce, Pinot continuait inexorablement son œuvre destructrice et punitive. « Ça en fait combien que tu pièges comme un salaud, hein, dit racaille ? Tu avais besoin de les faire tomber de cette façon alors que tout le quartier est au courant de leur coulage ? Et toute cette marchandise que tu gardes pour toi, au lieu de l'amener au dépôt des saisies, tu ne te sens pas gêné ? Enfin, ça fait mon affaire. Je savais bien que tu devais avoir un beau stock. » L'homme ne l'entendait déjà plus. Entre l'indigestion et le taux faramineux d'alcool dans le sang, le cœur se fatiguait de plus en plus. Pinault lui pinça finalement le nez et attendit l'arrêt cardiaque. Il détacha le contrôleur, lui plaça une bouteille dans une main, une cuillère dans l'autre, et attendit un peu de rigidité pour que les objets ne tombent pas. Le corps s'affaissa sur la table, la tête dans un pâté de campagne. « C'est pas beau, ce que je viens de faire, » se dit Pinault, « mais j'en avais tellement envie. Espérons que ça va décourager les autres. En attendant, ne mollissons pas. » Il commença à se saisir des cartons de denrées et les porta dans la juve à quatre. Il dut faire trois voyages pour emporter une quantité intéressante. Puis, il vola la Ausweis et la carte du contrôleur, fit démarrer la voiture et sortit du Porsche sans trop accélérer. Le plus dangereux restait à faire, aller mettre à l'abri ses denrées dans un caveau vide au cimetière du Père Lachaise sans rencontrer de barrage. Il se justifia mentalement en pensant aux heureux que ses nourritures allaient faire et à l'argent qu'il allait gagner. Il sourit à l'idée que la bouffe et la mort, deux sources lucratives, allaient être réunies dans un même lieu. Le lendemain, Pinault passa un coup de fil à Louis, lui demandant s'il pouvait faire passer rapidement une réparation dans le quart d'heure suivant. Il arriva en bleu de travail, la casquette sur la tête, le « je suis partout » dépassant ostensiblement de la poche. « Tu pourrais lire un autre torchon, » remarqua Louis en voyant le journal. « C'est pour donner le change et mesurer le moral de l'ennemi. Ça ne sert à rien de lire ce qu'on aurait écrit soi-même, tandis qu'avec ce canard, je vois tous les jours l'avancée de la propagande nazie. Tiens, lis-moi cet article. » Jusqu'où ira-t-on? Un agent du contrôle économique a été retrouvé à son domicile, ayant succombé à une orgie de nourriture et d'alcool. Son logement était un véritable dépôt de marchandises saisies dans le cadre de ses fonctions de contrôle. En plus de sa fonction nécessaire, en raison de l'immoralité des boutiquiers, cet homme ajoutait le recel et sans aucun doute le marché noir. Quel exemple pour la population, de la part de fonctionnaires qui devraient être irréprochables, car on sait, de source sûre, que ce contrôleur n'est pas le seul à se livrer à ce genre de trafic. Le Petit Parisien et Le Matin relataient également l'événement, en insistant sur le fait que la France devait être nettoyée de tous les profiteurs et pas seulement des Juifs. « Pauvre France !» murmura Louis, après avoir lu l'article. « Tu es venu me voir juste pour me montrer ça ?» Pinault ne répondit pas, mais arborait un fin sourire, avec un rien de malice dans l'œil. Louis commençait à deviner. « Comment tu as fait ? » demanda-t-il simplement. Pinault partit d'un grand rire de gorge. « Je ne t'ai pas dit que j'étais l'auteur de ce drame alimentaire ? C'est normal qu'il profite un peu de la marchandise, tu ne trouves pas ? » ?»« Mouais. Nous n'avons pas les mêmes méthodes, ni les mêmes motivations. » « Oh, tout de suite les grands mots. Tiens, j'ai apporté un petit cadeau, » dit Pinault en posant fièrement un paquet de café sur la table. « Ça vient de chez lui ?»« Non, ça vient du Père Lachaise. » « Allez, ne fais pas la fine bouche. Fais-nous plutôt un café. Ta femme ne doit même plus se souvenir de son goût. Voilà le sucre qui va avec. » Les deux hommes passèrent dans la cuisine. Louis, bien que sceptique sur l'attitude à adopter, chercha la cafetière italienne que possédait le couple. Attirée par le remue-ménage que faisait son mari, Odette entra dans la cuisine. Après avoir salué Pinault, elle demanda à Louis ce qu'il cherchait. « La voilà, la cafetière, mon chéri. Qu'est-ce que tu vas faire avec ?»« Mais du café, Madame Fogel, » précisa Pinault. « Tiens donc, nous avons du café. C'est un miracle. »« Non, c'est le Père Lachaise, » répondit Louis, sarcastique. La cafetière ayant été retrouvée, ils se regroupèrent autour de la cuisine, attendant que le café monte comme s'il s'agissait d'une expérience alchimique décisive. « L'œuvre noire ?» plaisanta Louis. Ils en étaient assoufflés sur leurs tasses, attendant que le liquide refroidisse quand on toqua à la porte. « Ouvrez la fenêtre pour dissiper l'odeur. Vite, planquez la cafetière !»« Oui, voilà !» Odette alla finalement ouvrir la porte. « C'est Léo !» dit-elle pour les autres, d'un ton soulagé. Elle le poussa dans la cuisine, les bras encombrés d'un objet entortillé dans un torchon. « Viens, Léo, je te présente Pinault. C'est notre plombier. En tout cas, c'est quelqu'un digne de confiance, à tous égards. » Pinault, sur ses gardes, affichait un visage impassible. Léo, quant à lui, ne savait quelle contenance prendre. Il avait bonne mémoire et avait compris qui était Pinault. Il avait plus confiance dans l'attitude détendue d'Odette que dans celle de Louis, qui savait assez bien dissimuler ses sentiments. Léo posa son paquet sur la table et tendit finalement la main à Pinault. « Bonjour, monsieur. Je suis un Allemand un peu à part, nous pouvons le dire de cette manière. Je sais, Louis m'a expliqué. et je vous ai vu à l'œuvre avec la famille Maillère. » L'allusion était claire et les plaçait d'emblée sur un terrain de franchise où il était inutile de mentir. « Ah, vous m'avez vu avec la famille Maillère, » dit Léo surpris. « Oui, et j'étais là aussi quand vous avez essayé de sauver le couple Zilber. Vous nous avez épiés alors ?»« Exactement. » « Mais c'était à une période où nous ne connaissions pas bien Louis. Nous avions besoin de le tester. » « Et vous m'avez testé en même temps, si je comprends bien ?»« Exact. Mais ce n'était pas notre but et nous nous en excusons. Quoi qu'il en soit, nous louons votre courage et votre largeur d'esprit. Vous méritez largement d'être des nôtres, Herr Major. »« Je n'ai pas les coudées franches pour pouvoir le faire, mais le cœur y est. »« Vous tombez à pic. Puisqu'on est entre amis, regardez un peu ce que j'ai. » Léo défit le torchon. Sur la table trônait un magnifique jambon juste entamé. Sentez-moi ça, les amis. Quelle fumée. Il vient tout droit du Périgord. Confisqué, bien sûr. Que non pas. Marché noir, contre des souliers et des pantalons. Nous sommes en cheville avec des paysans là-bas. Chaque fois que le train passe par Périgueux, on en profite et eux aussi. Et puis ne commence pas à me faire ta mine de censeur, hein. Je te signale que la moitié des Français trafiquent avec l'autre moitié, alors un jambon de temps en temps, c'est un échange de services. Il faut le voir comme ça. Verstanden? Compris? Je ne suis pas un voleur. Je troque et crois-moi, ils n'y perdent pas. Il y en a fréquemment de ces trains qui vont vers le sud? Demanda Louis. Chaque fois que nous avons à récupérer des armements qui ont été planqués après la défaite. À l'aller, le train amène du ravitaillement pour les troupes et au retour, il revient avec des camions, des canons, enfin ce qu'il trouve, quoi. Et des juifs aussi, bien évidemment. Moi, vivant, un de ces trains ne transportera jamais aucun juif, même mort. D'ailleurs, la plupart des wagons sont des plateformes. Et puis les juifs, c'est l'affaire de la Gestapo et de la police, pas de la Wehrmacht. Ouais, enfin pour moi c'est pareil. Tiens, bouffe, ça te remettra les idées en place. Et là-dessus, Léo tendit à chacun des beaux morceaux de jambon qu'il venait de découper. On raconte pourtant, dit Pinault, que certains ont emprunté ces trains clandestinement pour se rendre en Espagne. Le visage de Léo s'assombrit soudain. Écoutez, monsieur Pinault, dans l'intérêt de chacun, il vaut mieux ne pas colporter de telles rumeurs. Je ne tiens pas à ce que mes trains se remplissent de soldats de la Gestapo. Mes sous-officiers ont reçu pour mission de veiller à ce que les marchandises ou matériels ne soient endommagés ou ne disparaissent, et c'est tout. Ils remplissent très bien leur mission, le reste ne nous regarde pas. Et j'étais clair. On ne peut plus, Herr Major. Disons, pour prendre un exemple, qu'il vaut mieux ne pas raconter qu'il y a la peste à bord si l'on veut continuer à prendre un bateau. Voilà, vous avez parfaitement compris. Tu boiras bien un café, Léo ? Demanda Odette. Volontiers. Du vrai café. Confisqué ? Dit ironiquement Léo. Oui, justement, répondit Pinault. C'est du café confisqué à quelqu'un qui s'en mettait plein les poches. Ce n'est pas du vol, non plus. Disons de la restitution. Mais Pinault avait une idée en tête et voulait en avoir le cœur net. On m'a rapporté que des cheminots avaient truqué un wagon en y aménageant un cache. C'est bien exact, non ? Oui, répondit laconiquement Léo. Mais comment peut-on aménager une cache dans un wagon de marchandises ? S'étonna Louis. Le propre de l'homme, c'est de développer des trésors d'ingéniosité dans le besoin, répondit Léo. À une extrémité, le wagon possède une double paroi. De dehors, on ne voit rien, à l'intérieur non plus. Un espace d'un mètre de large environ a été ménagé entre les deux parois. Mais comment fait-on pour y accéder, si on ne voit rien ? Par le toit ? Non, car quelquefois, des soldats montent sur les toits des wagons. Une trappe est ménagée dans le plancher du wagon et on y accède par-dessous. Ah ah, ingénieux ! Oui, à condition qu'on ne voit pas les hommes en descendre, s'exclama Léo. Et c'est ce qu'a révélé le poteau rose. Heureusement, l'incident s'est passé dans une petite gare de la Cambrousse. Les clandestins ont été confiés aux gendarmes et le train continuait sa route. La Gestapo voulait que le wagon soit détruit, mais par souci d'économie, dit Léo avec ironie, j'ai préféré le mettre de côté dans un hangar. Les cheminots croient que le wagon a été démonté et c'est très bien ainsi. Vous pensiez qu'un jour vous pourriez en avoir besoin pour prendre la fuite ? Insinua Pinault. Mais oui. Moi ou vous peut-être, répondit Léo en désignant Louis et Pinault.